Chapitre 33. La soubrette. Ophélie raccompagna Bérénilde à son lit. Elle tomba aussitôt endormie. La peau froissée, les cils barbouillés, les orbites creusées, son visage semblait vieilli sur la taie blanche de l'oreiller. Ophélie la contempla d'un air triste, puis éteignit la lampe de chevet. Comment haïr une personne détruite par la perte de ses enfants? Remuant sur le divan, empêtrée dans son passé, la tante Roseline pestait contre un papier de mauvaise qualité. Ophélie vola un édredon au lit vacant de la grand-mère et l'étendit sur sa marraine. Quand elle s'aperçut qu'elle ne pouvait rien faire d'autre, elle se laissa lentement glisser sur le tapis et replia ses jambes contre elle. Sa poitrine lui faisait mal, plus mal que sa joie vif, plus mal que ses côtes. C'était une douleur profonde, lancinante, irrémédiable. Elle avait honte. Honte de ne pas pouvoir ramener la tante Roseline à la réalité. Honte de s'être crue capable de reprendre le gouvernail de sa vie. Honte, tellement honte, d'avoir été aussi naïve. Ophélie leva son menton entre ses genoux et observa ses mains avec amertume. « On épouse des femmes pour leur fortune, moi. On m'épouse pour mes doigts. » Au fond de sa poitrine, la souffrance céda la place à une colère aussi dure et aussi froide que de la glace. Oui, elle pardonnait à Bérénilde ses calculs et ses mesquineries, mais elle ne pardonnait rien à Thorne. S'il s'était montré sincère envers elle, s'il ne l'avait pas amenée à s'imaginer des choses, elle l'aurait peut-être excusé. Les occasions de lui dire la vérité n'avaient pas manqué. Non seulement il les avait toutes laissées passer, mais il avait eu l'aplomb de ponctuer leur rencontre de « je suis en train de m'habituer à vous » et de « votre sort est une réelle préoccupation pour moi ». Par sa faute, Ophélie avait vu des sentiments là où il n'y avait jamais eu que de l'ambition. Cet homme-là, c'était le pire de tous. L'horloge sonna 5 coups. Ophélie se remit debout, s'essuya les yeux et d'un geste déterminé remit ses lunettes sur son nez. Elle ne se sentait plus du tout découragée. Son cœur battait furieusement entre ses côtes, propageant un afflux de volonté à chaque pulsation. Peu importait le temps que ça exigerait, elle prendrait sa revanche sur Thorne et sur cette vie qu'il lui imposait. Ophélie ouvrit l'armoire à pharmacie, sortit du sparadrap et une solution d'alcool. Quand elle s'examina dans le miroir à main de Bérénilde, elle découvrit un visage couvert d'hématomes, une lèvre fendue, des cernes à faire peur et un regard sombre qui ne lui ressemblait pas. Sa natte échevelée recrachait des boucles brunes sur son front. Ophélie serra les mâchoires tandis qu'elle passait le chiffon d'alcool sur le cou de griffe de Freyja. C'était une coupure nette, comme on ferait un éclat de verre. Elle garderait sans doute une petite cicatrice. Ophélie plia un mouchoir propre, y colla une croix de sparadrap et dut s'y reprendre à 3 fois avant de faire tenir le pansement sur sa joue. Cela étant fait, elle déposa un baiser sur le front de sa tante. « Je vais vous sortir de là », lui promit-elle au creux de l'oreille. Ophélie ramassa la livrée de mime qu'elle avait jetée au sol et la reboutonna. Ce déguisement ne la protégerait certainement plus du chevalier et lui faudrait donc éviter de croiser sa route. Elle s'approcha du lit de Bérénilde et lui ôta, non sans difficulté, sa chaîne avec la petite clé sertie de pierres précieuses. Elle ouvrit la porte. À compter de cet instant, elle devrait agir vite. Pour des raisons de sécurité, les appartements de l'ambassade ne se verrouillaient que de l'intérieur. La tante Roseline et Bérénilde étaient plongées dans leur sommeil, aussi vulnérables que des enfants. Elles seraient exposées aux dangers de l'extérieur jusqu'à son retour. Ophélie trottina le long du corridor, elle emprunta l'escalier de service pour descendre au sous-sol. Quand elle passa devant le réfectoire des domestiques, elle fut étonnée d'y voir des gendarmes, reconnaissables à leur bicorne et à leur uniforme bleu et rouge. Ils cernaient une tablée de valets occupés à prendre leur café du matin et semblaient les soumettre à un interrogatoire en règle. Une inspection surprise, mieux valait ne pas traîner dans les parages. Ophélie passa aux entrepôts, à la chaudière à charbon, à la salle des canalisations. Elle ne trouva Gaël nulle part. En revanche, elle tomba sur un imprimé placardé sur les murs. Avis de recherche. Un déplorable incident nous a été rapporté cette nuit. Hier soir, un valet officiant au clair de lune a frappé un enfant sans défense. Il en va de la réputation de l'ambassade, signe distinctif, cheveux noirs, petite taille, plutôt jeune. Il était armé d'une rame. Au moment des faits, si vous connaissez un valet correspondant à ce signalement, adressez-vous sans tarder à la régie, récompense assurée. Philibert, régisseur du clair de lune. » Ophélie fronça les sourcils. Ce petit chevalier était un vrai poison. Il avait réellement décidé de s'acharner sur elle. Si elle tombait sur les gendarmes, elle échouerait directement aux oubliettes. Elle allait devoir changer de visage et vite. Ophélie longea les couloirs en rasant les murs et s'introduisit dans la blanchisserie comme une voleuse. Là, elle s'inua dans la vapeur des cuves bouillantes entre deux rangées de chemises sur les tringles coulissantes. Elle emprunta un tablier et un bonnet blanc. Elle fit un autre détour par la buanderie où elle subtilisa une robe noire en train de sécher sur un étendoir. Moins Ophélie voulait attirer l'attention, plus elle se cognait au panier de linge et aux lavandières. Comme elle ne pouvait décemment pas se changer dans les couloirs, elle se hâta vers la rue des Bains. Elle dut effectuer plusieurs détours pour éviter les gendarmes qui frappaient aux portes. Parvenue à sa chambre, elle s'enferma à double tour, reprit son souffle, se déshabilla aussi vite que le permettait sa côte, dissimula la livrée de mime sous l'oreiller et revêtit la robe de la buanderie. Dans la précipitation, elle la mit d'abord à l'envers. Alors qu'elle nouait le tablier autour de sa taille et épinglait le bonnet sur sa masse de cheveux bruns, Ophélie essayait de raisonner le plus méthodiquement possible. « Et si je me fais contrôler ?»« Non, les gendarmes interrogent les valets en priorité. »« Et si on me pose des questions ?»« Je m'en tiens au oui et au non. »« Mon accent ne doit pas me trahir. »« Et si je me trahis tout de même ?»« Je suis au service de la mère Hildegarde. » Elle est étrangère, elle engage des étrangers, point final. Ophélie se figea quand elle tomba sur son reflet, son véritable reflet, dans le miroir mural. Elle avait complètement oublié l'état de son visage. Avec son pansement et ses contusions, elle avait l'air d'une pauvre fille maltraitée. Elle regarda autour d'elle à la recherche d'une solution au milieu de son désordre. Le manteau de Thorn. Ophélie le décrocha de sa patère et l'examina de haut en bas. C'était un habit de fonctionnaire, cela se voyait au premier coup d'œil. Il était le dernier ingrédient qui manquait à son personnage. Quoi de plus vraisemblable pour une petite servante d'apporter les affaires de « monsieur » chez le teinturier. Ophélie enfila le manteau sur un cintre de bois, le plia sur un bras, le souleva bien haut de l'autre. Avec ce manteau hissé devant elle comme une grand voile, on ne remarquerait pas trop son visage. Tout cela devrait lui donner assez de temps pour trouver Gaëlle. À peine Ophélie mit-elle le nez hors de sa chambre qu'un poing faillit s'abattre sur elle. C'était Renard qui s'apprêtait à frapper à la porte. Il écarquilla ses grands yeux verts et entr'ouvrit la bouche de surprise. Ophélie ne devait pas avoir l'air beaucoup moins étonnée derrière son manteau. « Oh ben ça !» grommela Renard en grattant sa crinière rousse. « Si je me doutais que le muet recevait, excuse petite, faut que j'y cause. » Il posa ses mains puissantes sur les épaules d'Ophélie et la poussa gentiment dans la rue des Bains, comme on chasserait une fillette qui n'a pas été sage. Elle ne fit pas trois foulées que Renard la rappela. « Hé, petite, attends !» En quelques enjambées, il planta devant elle son corps sculpté comme un buffet, poing sur les hanches. Il se pencha, yeux plissés, essayant de mieux voir ce qui se cachait ainsi derrière le grand manteau noir qu'Ophélie dressait entre eux. « Sa chambre est vide !» Qu'est-ce que tu manigançais chez lui comme ça, toute seule ? Ophélie aurait préféré une question à laquelle elle aurait pu répondre par oui ou par non. Faire de Renard son ennemi, c'était la dernière chose dont elle avait besoin. Encombrée de son manteau, elle tira maladroitement la chaîne de sa clé d'une poche de tablier. « Prêtez !» murmura-t-elle. Renard haussa ses épais sourcils roux et vérifia l'étiquette du 6 rue des Bains avec la lippe suspicieuse d'un gendarme. « Il serait fou de se promener sans sa clé. Tu n'essaierais pas de chaparder des sabliers à mon aminche, des fois ?» D'un geste autoritaire, il repoussa le manteau de Thorn comme un rideau. Sa méfiance se transforma en embarras dès qu'il examina Ophélie de près, sous ses lunettes et son bonnet. « Eh ben, ma pauvre gamine » soupira-t-il en se radoucissant. « J'ignore qui sont tes maîtres, mais ce ne sont pas des délicats. Tes nouvelles ? Je ne voulais pas t'effrayer, hein. C'est juste que je cherche mon ami. » « Est-ce que tu sais où je peux le trouver ? Il y a, comme qui dirait, un avis de recherche qui circule depuis une heure, avec sa belle tête de coupable. Ça va encore être pour sa pomme !» Ophélie fut désarmée de constater que ce grand valet méritait davantage sa confiance que son propre fiancé. Elle releva le menton sans plus chercher à se cacher de lui et le regarda droit dans les yeux. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je dois voir Gaëlle, c'est très important. » L'espace de quelques battements de paupières, Renard resta sans voix. « Gaël ? Mais qu'est-ce que tu... Nom d'un sablier, qui es-tu ? » « Où est-elle ? » implora Ophélie. « S'il vous plaît. » À l'autre bout de la rue des Bains, les gendarmes firent une arrivée fracassante. Ils pénétrèrent de force dans les douches et les toilettes, en sortirent des hommes à moitié nus, firent pleuvoir les gourdins sur ceux qui protestaient. Les cris et les insultes se répercutaient sur les murs en d'effroyables échos. Ophélie était épouvantée. « Viens !» murmura Renard en la prenant par la main. « S'ils s'aperçoivent que t'as les clés d'un autre sur toi, ils vont te tomber dessus. » Ophélie s'en fut à la suite de Renard, écrasée par cette poigne virile, empêtrée dans le long manteau de torne. Les rues des dortoirs se succédaient les unes aux autres, toutes semblables avec leur carrelage en damier et leurs petits lampadaires. Affolés par les perquisitions, les domestiques se tenaient sur le pas de leurs portes et pointaient du doigt ceux qui avaient le malheur de correspondre au signalement. Il y avait de plus en plus de gendarmes, mais Renard parvenait à les éviter en empruntant les chemins de traverse. Il consultait continuellement sa montre de poche. « Ma maîtresse va bientôt se réveiller, » soupira-t-il. « Normalement, à cette heure-ci, j'ai déjà préparé son thé et repassé son journal. » Il introduisit Ophélie dans une rose des vents et ouvrit la porte qui menait directement à l'arrière du manoir. Ils traversèrent la ménagerie exotique, l'oisellerie, la bergerie et la laiterie. Les oies de la basse-cour sifflèrent furieusement sur leur passage. Renard entraîna Ophélie jusqu'à la remise des automobiles. « Monsieur organise une course demain ?» expliqua-t-il. « Comme le chauffeur mécanicien est malade, c'est Gaël qui a été désigné pour faire la révision des moteurs. Elle est d'une humeur de chien, j'aime autant te prévenir. » Ophélie posa une main sur son bras au moment où il s'apprêtait à ouvrir les portes de la remise. « Je vous remercie de m'avoir aidé, mais il est préférable que vous vous en teniez là. » chuchota-t-elle. « J'entrerai seul. » Renard fronça les sourcils. La lanterne qui surplombait l'entrée de la remise au-dessus d'eux faisait flamber toute sa rousseur. Il vérifia d'un coup d'œil prudent qu'ils étaient bien seuls dans cette partie du domaine. « Je ne comprends rien à ce qui se passe. J'ignore ce que tu cherches et qui tu es réellement. Mais il y a une chose qui est claire pour moi, à présent. » Il laissa tomber ses yeux sur les souliers vernis à boucles d'argent qui pointaient hors de la robe noire d'Ophélie. « Ça, ce sont des grolles de valets. Et des valets avec une aussi petite pointure, je n'en connais guère qu'un. » « Moins long vous en saurez sur moi, mieux vous vous porterez, » le supplia Ophélie. « Des personnes ont souffert pour m'avoir connu de trop près. Je ne me le pardonnerai pas s'il vous arrivait quoi que ce soit par ma faute. » Décomposé, Renard gratta son favori qui poussait sur sa joue comme un buisson ardent. « Donc je ne me suis pas trompé. C'est vraiment toi. « Saberlipopette !» marmonna-t-il en se tapant le front du plat de la main. « Pour une situation embarrassante, c'est une situation embarrassante. Pourtant, j'en ai vu défiler des bizarreries par ici. » Ses grandes mains rousses empoignèrent les anneaux de chaque porte. « Raison de plus pour entrer là-dedans avec toi, » conclut-il avec une lip têtue. « J'ai le droit de comprendre, nom d'un petit bonhomme. » C'était la première fois qu'Ophélie entrait dans la remise des automobiles. L'endroit où flottait l'odeur étourdissante du pétrole paraissait désert. Éclairé par trois lampes de plafond, les élégantes cabines des chaises à porteurs s'alignaient au premier plan. Bois vert pomme, rideaux bleu ciel, brancards vieux roses, motifs floraux, il n'y en avait pas deux semblables. Les automobiles du clair de lune avaient été garés au fond de la salle, car on les sortait plus rarement. C'étaient des objets de luxe, qu'on exposait surtout pour le plaisir des yeux. Les routes inégales et tortueuses de la citadelle n'étaient pas adaptées à la circulation motorisée. Toutes les automobiles étaient recouvertes de draps, sauf une. De loin, elle évoquait une poussette avec ses grandes roues fines à rayons et sa capote fleurie, probablement une voiture de dame. Gaël jurait comme un charretier en se penchant sur le moteur à explosion. Ophélie n'en avait jamais vu ailleurs que dans son musée et seulement en pièces détachées. Sur Anima, les véhicules se propulsaient d'eux-mêmes, comme des animaux bien dressés. Ils n'avaient pas besoin de moteur. « Hé, ma belle !» appela Renard. « De la visite pour toi !» Gaël poussa un dernier juron, frappa le moteur de sa clé à molette, ôta rageusement ses gants et releva ses lunettes de protection sur son front. Son œil bleu vif et son monocle noir se fixèrent sur la petite soubrette que Renard lui amenait. Ophélie se soumit silencieusement à cet examen. Elle savait que Gaël la reconnaîtrait, puisqu'elle l'avait toujours vue telle qu'elle était. « J'espère pour toi que c'est important !» finit-elle par cracher d'un ton impatient. Ce fut tout. Elle ne posa aucune question, ne prononça pas un seul mot qui aurait pu la compromettre devant Renard. Mon secret contre ton secret. Ophélie replia maladroitement le manteau de torne qui lui encombrait les mains. C'était à son tour de ne pas trahir Gaël. J'ai des ennuis et il n'y a que vers vous que je peux me tourner. Je vais avoir besoin de vos talents. Circonspecte, Gaël tapota le monocle qui lui creusait une ombre impressionnante sous le sourcil. Mon talent ? Ophélie acquiesça en ramenant derrière l'oreille les mèches qui coulaient à flots de son bonnet. C'est pas pour rendre service à un oubliot, au moins. Vous avez ma parole que non. Mais qu'est-ce que vous marmottez à la fin ? S'exaspéra Renard. Vous vous connaissez donc, vous deux ? À quoi ça rime, toutes ces cachotteries ? Gaël arracha ses lunettes de protection, ébroua ses boucles noires et remonta ses bretelles sur ses épaules. « Ne te mêle pas de ça, Reynold. Moins tu en sais, mieux ce sera pour toi. » Renard avait l'air tellement déboussolé qu'Ophélie le prit en pitié. Il était la dernière personne de qui elle souhaitait se cacher, mais elle n'avait pas le choix. Elle lui avait montré son véritable visage, et c'était déjà trop. Gaël posa un doigt sur sa bouche pour leur intimer le silence. Au dehors, les oies cacardaient. « Quelqu'un vient ! Les gendarmes !» pesta Renard en consultant sa montre. « Ils fouillent chaque recoin du clair de lune, rapide les gaillards !» Il signala une porte basse, à peine visible derrière les rangées d'automobiles drapées. « Il faut décamper ! Ils ne doivent surtout pas mettre la main sur les gamines !» Gaël resserra la pression de son sourcil autour du monocle. « Toutes les lampes sont allumées !» cracha-t-elle. « Cette voiture a encore le ventre à l'air ! Ils vont comprendre qu'on a fui les lieux et donné l'alerte !» Pas s'il trouve quelqu'un sur place. Renard retira précipitamment sa livrée, retroussa les manches de sa chemise et s'aspergea d'huile de moteur. « Mesdames, je vous présente un mécanicien débordé !» ricana-t-il en haussant les bras. « Les gendarmes, j'en fais mon affaire. Filez vite par derrière, toutes les deux. » Ophélie le considéra avec tristesse et émerveillement. Elle se rendit compte à quel point ce grand rouquin avait pris une place significative dans sa vie. Sans pouvoir se l'expliquer, elle avait peur de ne plus jamais le revoir une fois la porte basse franchie. « Merci, Reynold, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Il lui adressa un clin d'œil facétieux. « Dis au muet de bien faire gaffe à ses fesses. »« Mais ça, » marmonna Gaël en lui tendant ses lunettes de protection, « ça te rendra plus crédible. » Renard les enfila sur son front, prit une ample respiration pour se donner du courage, enveloppa dans ses mains le visage farouche de Gaël et l'embrassa avec détermination. Elle fut si stupéfaite qu'elle écarquilla son œil bleu sans seulement songer à le repousser. Quand il la libéra, un immense sourire se déployait entre ses favoris. « Des années que je la convoite, cette femme-là » chuchota-t-il. Au loin, les portes s'ouvrirent sur les silhouettes des gendarmes. Gaël poussa Ophélie derrière une automobile bâchée, l'entraîna dans l'ombre le long du mur et sortit avec elle par la porte arrière. « Crétin !» siffla-t-elle entre ses dents. Ophélie n'y voyait pas grand-chose sous la fausse nuit étoilée. Elle aurait toutefois juré que la bouche de Gaël, si dure à l'ordinaire, avait pris un pli plus doux.